C'est un tyran domestique. Antoine Desvignes, au moment où nous prenons son histoire, pouvait avoir une soixantaine d'années. C'était un homme d'un caractère bon et faible. Il le savait si bien lui-même que pour ne point se mettre sous la domination d'une femme, la pire, disait-il, de toutes les dominations, il avait constamment refusé de se marier. À toutes les observations que lui faisaient à ce sujet ses parents et ses amis, il répondait « J'ai 10 000 francs de revenus, et je suis mon maître. » Je perdrai à prendre une femme une partie de mon aisance et toute ma liberté. Permettez-moi de ne point faire un marché de dupes et de rester comme je suis. Mais la femme qui semble avoir prévu les cas de ses rébellions contre sa puissance imagine mille moyens d'approcher, de combattre et de soumettre les plus récalcitrants. Si elle ne peut tout d'abord entrer triomphalement en souveraine dans la place, elle s'y glisse sans bruit, presque inaperçue, en esclave, sous le titre modeste d'ouvrière, de blanchisseuse, de cuisinière, de femme de ménage, de femme de charge. Le moment n'est pas éloigné où elle prendra celui de gouvernante, et ce titre-là ne sera pas pour elle un vain titre. Ainsi avait fait Dorothée chez Antoine Desvignes. Dorothée était une vieille fille de 45 ans, qui avait dû être 25 ans plus tôt une jolie fille d'un physique agréable. Elle dissimulait sous les formes les plus obséquieuses un besoin continuel de diriger et de commander. Elle aimait le confortable, et ne pouvant se le procurer par elle-même, elle s'était mise en service pour jouir au moins de celui des autres. Chez Desvignes, elle avait passé par toutes les transitions, si spirituellement indiquées dans une comédie de M. Scribe. Elle avait dit « le salon de monsieur », puis « notre salon », enfin « mon salon ». Mais ce n'était pas seulement son ambition personnelle que Dorothée songeait à satisfaire. Elle avait aussi en vue le bonheur d'un être sur quel concentrait tout ce que son cœur était susceptible d'éprouver d'amour et de tendresse. Cet être, qu'elle appelait son neveu, répondait au nom de Sigismond. Il brillait par une foule de qualités qui font d'ordinaire la désolation des parents, et que l'aveugle Dorothée s'obstinait à trouver adorable. L'existence de Desvignes, jusqu'au moment où il prit Dorothée à son service, avait été celle d'un garçon qui dépense honorablement son revenu. Il voyait le monde, il avait des amis, il était bon convive, et sans être joueur, savait tenir les cartes à l'occasion. Ce genre de vie s'accordait trop peu avec les vues de la gouvernante, pour qu'elle n'entreprît point d'y apporter quelques modifications. Mais, en femme expérimentée, elle se garda bien de brusquer les choses. Elle attendit les occasions. À la suite d'un déjeuner d'amis, Desvignes ressentit une légère indisposition. Dorothée lui prodigua les soins les plus empressés. Une mère n'eût pas été plus attentive, plus prévenante au chevet de son enfant, en danger de mourir. À peine commença-t-il à se trouver mieux, qu'elle fit succéder aux tisanes, les douces gronderies et les affectueuses remontrances. Monsieur n'était plus d'âge à supporter de pareil régime. Au lieu de se laisser entraîner par de prétendus amis qui tenaient peu compte de sa santé, monsieur devrait bien plutôt songer à se conserver pour les personnes qui lui étaient sincèrement attachées. Si elle était à la place de monsieur, elle n'hésiterait point à rompre des liaisons incompatibles avec la prolongation d'une existence aussi précieuse que celle de monsieur. Desvignes, à force d'entendre du matin au soir ses propos et mille autres semblables, finit par se persuader qu'il avait échappé, grâce aux soins de sa gouvernante, au danger d'une grave maladie, et qu'il était temps de réformer des habitudes qui n'étaient plus en harmonie avec son tempérament. Il se mit donc à manger chez lui plus souvent, et bientôt même il refusa toute espèce d'invitation au dehors. Mais comme, suivant Dorothée, c'était moins la bonne chère en elle-même qu'il fallait craindre que la compagnie de convives, toujours disposée à donner l'exemple des excès, la table de monsieur fut dès lors couverte de mets délicats et recherchés. La sensualité du maître n'y perdit rien. Celle de la gouvernante y gagna beaucoup. Seulement, Desvignes se livrait parfois à des bâillements non moins prolongés que fréquents. Il souffrait de l'absence de ses joyeux amis, et ne trouvait point une compensation suffisante dans la présence de Dorothée. S'il se croyait obligé par la susceptibilité de son estomac à déjeuner et à dîner tête à tête avec sa gouvernante, Desvignes s'était au moins réservé la consolation d'aller le soir, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, faire une partie d'échecs, de dames ou de tric-trac. Cette habitude condamnait à l'isolement pendant toute la soirée la fière Dorothée, qui pour rien au monde n'eût admis la cuisinière à l'honneur de faire sa partie de piquet. Un rhume que Desvignes eut la maladresse de gagner par une soirée humide et froide devint un prétexte plausible de nouvelles tisanes, de nouvelles remontrances et par suite d'une nouvelle réforme. Les sorties du soir devant être rigoureusement interdites à un homme si sujet à s'enrhumer, Desvignes en vint nécessairement à reconnaître qu'une partie de piquet avec sa gouvernante valait encore mieux que rien. Desvignes avait conservé dans le voisinage de sa maison deux ou trois amis, qu'il allait visiter quelquefois dans la journée. C'était la seule distraction qui lui resta. Un jour de verglas, il eut le malheur de glisser et de tomber. Dorothée poussa Léo au cri et se frappa la poitrine, disant qu'elle se reconnaissait bien coupable de laisser sortir seul un homme dont les jambes étaient si peu sûres. Il ne fut plus permis à Deving de faire un pas sans être accroché au bras de Dorothée. Pendant que la digne gouvernante saisissait ainsi les moindres occasions d'établir et d'affermir sa domination, son aimable neveu croissait en années, sinon en vertu. À 22 ans, M. Sigismond ne se doutait point qu'il eût au monde une autre science que celle de faire des ronds en fumant, de doubler une bille à coup sûr et d'ingurgiter proprement une bouteille de vin de champagne. Dorothée le trouvait ravissant parce qu'il ne répliquait rien aux remontrances que parfois elle croyait devoir lui adresser. Il est vrai que Sigismond se serait bien gardé de décourager des remontrances habituellement suivies de pièces de 5 francs. S'il se souciait médiocrement des unes, il avait en revanche pour les autres l'estime la plus haute. Sigismond ayant donc 22 ans et les précieuses qualités que nous venons de voir, sa tante songea qu'il était temps de lui faire un avenir. Le problème n'était pas facile à résoudre, avec un garçon qui ne pouvait être ni avocat, ni médecin, ni notaire, et que Mademoiselle Dorothée eût rougi de voir circuler entre les pains de sucre et les balles de café d'une boutique d'épicerie. Cependant, à force de lui chercher une aptitude, elle finit par découvrir qu'il était évidemment propre à faire un mari. Ce point reconnu, il ne s'agissait plus que de se mettre en quête d'une héritière à marier. Dorothée n'alla pas bien loin. « Monsieur, dit-elle un jour à Deving, je crains que vous ne preniez de l'ennui. Vous vivez dans un si grand isolement. Ne vous ai-je pas auprès de moi, ma bonne Dorothée ? Sans doute, et Dieu sait que je n'épargne rien pour vous donner un peu de distraction. Vous avez aussi mon neveu qui est rempli pour vous de vénération et de tendresse. Oui, oui, je désirerais seulement qu'il fît en sorte de rentrer un peu moins tard et de ne pas renverser les meubles en se couchant. Que voulez-vous, il étudie tant. Rien ne rend distrait et maladroit comme l'étude. Mais c'est du reste un charmant garçon. Je vous défie de le contester. Je ne le conteste point, Dorothée. Je conviens pourtant que Sigismond ni moi ne pouvons vous suffire. Il vous faudrait encore autre chose. Quoi donc, demanda Deving, que toutes ces préparations commençaient à effrayer. Monsieur voudra bien m'excuser si je prends la liberté de me mêler de ses affaires de famille. Mais voilà bien longtemps, il me semble, que monsieur n'a eu des nouvelles de son frère. 10 ans au moins, Dorothée, mais qu'importe. Vous savez bien qu'il m'est désagréable d'en entendre parler. Pourquoi m'en parlez-vous? Parce que je suis affligé d'une désunion que rien ne justifie. Rien? Qu'est-ce donc que le procès qu'il a eu le courage de soutenir et de gagner contre moi? Le droit était de son côté. Le droit? Plaisante raison, votre frère. Mais sa fille n'a point plaidé contre vous. À peine s'il avait 17 années. 10 ans de plus, et elle n'eût pas manqué de faire chorus avec son père. Et qui l'en aurait blâmé? N'aviez-vous pas honte, riche comme vous l'étiez, de disputer à un frère sans fortune un petit coin de terre qui ne valait pas 500 francs? Dorothée, vous vous permettez des observations? Je me permets de vous dire la vérité. Qui donc vous la dira, si ce n'est moi? Qui vous aime assez pour laisser de côté de sots ménagements? Oui, monsieur, vous tenez avec les seuls parents qui vous restent une conduite que le monde n'approuve point. Il y a plus. Ce n'est pas vous seul qu'on accuse et qu'on blâme. On m'impute à moi la plus grande partie de votre tort. On prétend que ce sont mes menées et mes conseils qui étouffent vos bons sentiments. Je ne souffrirai pas plus longtemps qu'on pense et qu'on dise de pareilles choses. Assurément, j'ai pour vous une affection bien vive. Mais s'il me fallait rester sous le coup d'un soupçon si odieux, j'aimerais mieux me résigner, succomber peut-être aux douleurs d'une séparation. Y songez-vous, Dorothée? Est-ce que je puis désormais me passer de votre société et de vos soins? Mais je n'ai plus que vous au monde, vous le savez bien. Si vous tenez à moi, prouvez-le donc par une réconciliation qui donnera satisfaction à la fois au monde qui vous blâme, à mon cœur qui souffre et à ma réputation qu'on attaque. Cet entretien, nuancé d'attendrissement, d'indignation, de prières, de menaces et de mouchoirs essuyant des larmes absentes, se renouvela 2 ou 3 fois avant que Deving consentît à se rendre. Enfin, il se laissa tout en murmurant conduire un matin chez son frère Vincent par Dorothée, qui prétendit que c'était au plus riche de faire le premier pas. Deving revint enchanté. Depuis longues années, il n'avait eu le pied si leste ni le visage si joyeux. Impressionné d'abord par l'accolade de paix que Vincent lui avait cordialement donnée, il l'avait été bien plus encore par les caresses de Rosine. Rosine était le nom de sa nièce, ravissante fille de 17 ans, qu'on ne pouvait voir sans admirer, ni entendre sans aimer. « Cette chère Dorothée, s'écria-t-il dans le transport de sa joie, je la gronde, je la brusque, je lui résiste, et pourtant sans elle, je serais encore à savoir que j'ai la perle des nièces. » Rosine fit d'abord 2 ou 3 visites par semaine à son oncle, puis il exigea qu'elle vînt tous les jours. Puis il trouva ses visites trop courtes, et la retint auprès de lui depuis le matin jusqu'au soir. Il voulut lui faire accepter un appartement dans sa maison, sauf à en donner un autre à son frère par-dessus le marché. Dorothée encouragea de toutes ses forces cette tendresse un peu tardive. Il entrait aussi dans son plan que Sigismond ne ferma point, ou du moins ne parut pas fermer les yeux au mérite de Rosine. Elle fit donc la leçon à son neveu. Sans posséder une haute dose d'intelligence, Sigismond comprit que la main d'une jolie héritière valait bien quelques semaines d'abstinence. Malheureusement pour lui, les manières qui lui donnaient un renom dans les estaminets n'étaient point de nature à fasciner les regards d'une jeune fille bien élevée. Ses compliments ressemblaient à des sottises, et ses attentions à des insolences. Dorothée avait beau s'épuiser à dire que son neveu était un vrai type de chevalier français, le goût délicat de Rosine s'obstinait à ne voir en lui qu'un rustre et un mal appris. Après 2 mois d'une vaine attente, Dorothée, reconnaissant que parmi les qualités du chevalier français, il manquait au moins à son neveu celle de savoir avancer ses affaires auprès des belles, résolut de lui venir en aide et de brusquer le dénouement. « Monsieur, dit-elle à Desvigne, n'était-il point question hier au soir entre vous et votre frère d'un projet d'établissement pour mademoiselle Rosine ?»« Pas le moins du monde. Vous avez rêvé cela, Dorothée. »« Ah, tant mieux. Pourquoi ?»« Belle question. Parce que je tiens à vous voir heureux, et que vous ne le serez plus le jour où un étranger viendra ravir votre nièce à votre affection. » Oui, si pareille chose arrivait, je serais capable d'en mourir de chagrin. Mais comme j'ai l'intention de doter Rosine, vous ne pensez probablement pas, Dorothée, que je sois assez simple pour ne pas poser préalablement mes conditions. Eh, monsieur, elles seront acceptées, vos conditions. Ce n'est pas cela que je mets en doute. Mais exécuter, une fois la dot comptée et le mariage fait, c'est bien différent. Desvignes se mit à réfléchir. Vous pourriez avoir raison, Dorothée. Ah, si j'osais dire toute ma pensée à monsieur, reprit la gouvernante d'une voix profondément émue. « Osez, Dorothée, osez. Eh bien, je dirais donc par obéissance qu'il faudrait à mademoiselle Rosine, pour mari, un jeune homme qui vous fût attaché à vous, autant et peut-être plus encore qu'à elle. »« D'accord. » Dorothée poussa un soupir. « Que le ciel ne vous a-t-il fait la grâce de vous donner un fils ?»« Mais le ciel ne m'a point fait cette grâce, Dorothée. » »« Et il est juste d'ajouter qu'étant resté garçon, je ne l'y ai guère aidé. » Après cela, on a vu des fils se relâcher assez volontiers à l'endroit de l'amour filial, et des étrangers en donner au contraire l'exemple le plus édifiant. Cela s'est vu, Dorothée, et se voit encore tous les jours. Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour s'en assurer. Voyez, Sigismond, le fils le plus tendre vous aimerait-il davantage? Voilà un garçon incapable de séparer un oncle de sa nièce. La première condition qu'il imposera à sa femme, si jamais il se marie, sera de vivre avec nous. Il saura si bien s'arranger que nous serons forcés de les recevoir. Desvignes n'eut pas l'air de comprendre. Le Sigismond n'était pas précisément le neveu de ses rêves. Mais Dorothée revint opiniâtrement à la charge. Elle répéta tant de fois et démontra avec tant d'acharnement que Sigismond pouvait seul fixer à jamais Rosine auprès de son oncle, qu'enfin Desvignes, harassé, se rendit. Ce n'était qu'un pas de fait. Il fallait encore le consentement de Vincent. Desvignes se chargea de l'obtenir. Vincent ne parut pas très enchanté de l'ouverture que lui fit son frère. Cependant, il répondit que si l'union projetée convenait à Rosine, il n'y mettait de son côté aucun obstacle. Desvignes, une fois lancé dans la négociation, la prit à cœur. Il employa pour attendrir sa nièce tout ce que son affection lui suggéra de douces paroles et de câlinerie. Bref, il manœuvra si bien que Rosine, enhardie par tant de bonté, n'hésita point à faire l'aveu d'une insurmontable aversion pour le protéger de son oncle. Dorothée avait calculé que Vincent et sa fille, convaincu de son pouvoir sur Desvignes, se garderait bien d'opposer à ses vœux une résistance impolitique. Son désappointement n'en fut que plus cruel quand Desvignes vint tout tremblant lui annoncer le résultat peu satisfaisant de sa mission. Mais prompt dans la conception du mal, son esprit lui fit entrevoir aussitôt une meilleure vengeance. « J'étais en vérité bien sotte, se dit-elle. Quel était mon but? De faire arriver par la nièce l'héritage de l'oncle à Sigismond? Et qui m'empêche d'arranger les choses de manière que Sigismond ait l'héritage sans la nièce? » Elle se contenta donc d'émettre d'une voix calme cette simple réflexion. « Notre maison est triste, monsieur. Mademoiselle Rosine n'a pas 18 ans. Elle vous aime sans doute, mais elle aime aussi les plaisirs du monde. Le mariage que nous désirions l'enlevait, pour la tenir à vos côtés, au triomphe que lui promettent sa beauté et sa jeunesse. Elle ne pouvait accepter. » La réflexion de Dorothée germa dans la tête de Desvignes. Il trouva moyen, dans le premier entretien qu'il eut avec Rosine, de glisser 2 ou 3 fois, et d'un ton passablement aigre, la phrase suivante en forme de maxime. « Bien folle la vieillesse de compter sur le dévouement de la jeunesse. » Et chaque jour, il s'empressait de reporter ainsi à sa nièce des nouvelles maximes de plus en plus significatives que lui suggéraient les discours de sa gouvernante. Rosine, se voyant moins choyée, moins caressée, éloigna naturellement et abrégea des visites, qui ne lui rapportaient plus guère que des épigrammes. Deving se plaignit avec amertume à son frère. Une explication suivit. On lâcha d'un côté le reproche d'ingratitude, de l'autre celui de tyrannie. Il en résulta un refroidissement encore plus sensible. « Quel malheur, Dorothée, disait parfois Deving, que l'idée de ce mariage était éclos dans votre cervelle. Remerciez-en la Providence, répondait la gouvernante. Vous devez à cette épreuve de connaître la mesure des sentiments de votre frère et de votre nièce. Cependant, Vincent et Rosine ne paraissaient plus que de loin en loin chez Deving. On vous prépare tout doucement à un abandon complet, insinua Dorothée. Hélas, je le crains, dit Deving en soupirant. Vous êtes trop bon. À votre place, je sais bien ce que je ferai. Que feriez-vous? Je prendrai les devants. Je ne voudrais pas avoir l'humiliation d'être quitté. Ce conseil, 5 ou 6 fois répété, provoqua une seconde explication entre les deux frères. Et Deving ne manqua point de dire qu'il saurait parfaitement se passer de la présence de Vincent et de Rosine. Pendant ce temps, que faisait Sigismond? Il se consolait en reprenant ses anciennes habitudes. Il sortait dès le matin, ne rentrait qu'au milieu de la nuit, et continuait de renverser les meubles en se couchant. Ce qui faisait dire à Deving, réveillé en sursaut, « Ce garçon-là étudie trop, il compromet sa santé et la mienne. » Deving retrouva donc dans sa maison la même solitude qu'auparavant, mais d'autant plus sombre qu'elle en avait un moment été éclairée par un rayon de soleil. Il en prit un chagrin très vif, perdit l'appétit, devint morose. Une maladie était imminente. Le nom de Rosine lui venait à chaque instant sur les lèvres. Le désir de la revoir perçait jusque dans ses imprécations. « Eh, monsieur, disait Dorothée, pourquoi vous occupez sans cesse d'un sujet qui vous afflige? Je donnerais beaucoup pour être assuré qu'ils sont au fond peinés de ne plus me voir. Eux? Ah, bien oui. Ils savent très bien que c'est vous qui souffrez de la séparation. Ils en sont enchantés, et ils vont en disant partout, le bonhomme décline, sa succession ne se fera pas attendre. Ils disent cela, Dorothée? Je le tiens de gens qui les ont entendus, et j'adoucis les expressions. Ah, ma succession les occupe au point de compter les instants. Elle pourra ne leur pas peser lourd, ma succession. Ce n'est pas la naissance qui fait les parents, ce sont les sentiments. Si au lieu de trouver ces sentiments chez un frère, chez une nièce, je ne les rencontre que chez de simples amis, je ne me priverai certes point d'user du pouvoir que la loi me donne de récompenser et de punir. Si j'allais voir Vincent pour me procurer la satisfaction de le lui dire moi-même. Dorothée se garda bien d'y consentir. La seule pensée d'une rencontre qui put amener une réconciliation lui causait tant de frayeur qu'elle dit un jour à Deving, « Vous changez à vue d'œil. » Il est de fait que je ne me sens pas bien. Je m'en suis expliqué avec votre médecin. Son avis est que vous n'avez pas un moment à perdre. Que faut-il donc faire? Vous éloignez de Paris, dont l'air ne vous est pas bon. La campagne peut seule vous rétablir. On m'a parlé d'une charmante petite maison à vendre dans les environs de Château-Thierry. Vous n'ignorez pas, Dorothée, que le séjour de la campagne va toujours jeter dans des ennuis mortels. Et qu'importe, monsieur, votre santé avant tout. En moins de 15 jours, la petite maison était achetée. Et Deving s'y installait, en compagnie de Dorothée triomphante et de Sigismond pour qui tout pays était bon du moment qu'il s'y trouvait un estaminet. Plusieurs mois s'écoulèrent pendant lesquels Deving, loin de se remettre, s'affaiblissait chaque jour davantage. Son irritation n'en devenait que plus vive contre son frère et sa nièce. Il se répandait en invectives contre eux. Il allait tout de bon en finir par un testament en faveur de sa fidèle Dorothée. Mais au grand souci de la digne gouvernante, le temps marchait toujours et l'exécution ne suivait point la menace. Enfin, Deving tomba sérieusement malade. Le médecin ne lui tâtait plus le pouls qu'avec des signes manifestes de découragement. « Si Vincent et Rosine pouvaient savoir ma position, » disait le moribond en levant sur sa gouvernante un regard suppliant, « je ne leur crois pas le cœur assez dur pour me laisser mourir sans me donner une marque de sympathie. » Qu'était-ce pour Dorothée qu'un mensonge de plus ou de moins? « J'ai pris sur moi de les faire prévenir, monsieur. » Et vous voyez comme ils arrivent? Oh, je les punirai, murmura Deving. Vous le dites, mais vous ne le ferez point. Je le ferai si bien que je vous ordonne d'envoyer sur le champ chercher le notaire de Château-Thierry. Enfin, pensa Dorothée, qui ne se fit pas répéter l'ordre. Le notaire de Château-Thierry parut entendre avec surprise le nom de celui qui le faisait demander. Il se hâta de monter à cheval et partit au galop, ce qui lui arrivait seulement dans les grandes occasions. C'était un homme de 28 à 30 ans. Une physionomie agréable et tout à fait propre, inspirée de la confiance. Aussitôt qu'il fut arrivé, Dorothée le conduisit auprès du lit de Deving. Celui-ci essaya de se mettre sur son séant. « Je veux, monsieur le notaire, instituer pour ma légataire universelle ma gouvernante que voici. » Dorothée fit entendre 2 ou 3 petits sanglots. Elle pensa que cela ne pouvait pas nuire dans les circonstances. « Je suis ici pour exécuter votre volonté, monsieur, » dit le notaire. « Mais permettez-moi de vous demander si vous n'avez point de famille. »« J'ai un frère et une nièce, » répondit le testateur avec un profond soupir. La gouvernante commença à regarder de travers l'homme de loi. « J'en aurais déjà fait l'observation à monsieur, » psalmodia-t-elle d'une voix hypocrite, « si je n'avais craint de doubler son mal en lui rappelant des souvenirs qui l'irritent. Ces gens-là se sont conduits indignement. Monsieur ne veut même plus entendre prononcer leur nom. N'est-il pas vrai, monsieur ?»« C'est vrai, » confirma Devigne avec la plus grande docilité. Comprenant aussitôt à quel genre il avait affaire, le notaire ne jugea pas à propos de poursuivre ses observations. Il ouvrit son portefeuille, en fit sortir une feuille de papier timbré, tailla sa plume et pria la gouvernante de veiller à ce qu'on ne vînt pas l'interrompre dans la rédaction d'un acte, où la moindre négligence pouvait devenir une cause de nullité. Dorothée obéit. Elle avait eu peur un instant, mais rassurée bientôt, en voyant le notaire se préparer à écrire sans insister davantage sur les droits de la famille, elle alla dans une autre pièce se livrer sans contrainte à la joie d'une victoire si longtemps et si impatiemment attendue. Une heure s'écoula. Le notaire va la retrouver. « Est-ce fini ?» lui demanda-t-elle. « C'est fini. » « Quel excellent maître. Vous avez vu, monsieur, que c'était une idée bien arrêtée dans son esprit de me faire son héritière, et que toutes les objections du monde, même les miennes, n'auraient pu réussir à l'en détourner. J'ai vu que vous aviez en effet sur lui une grande influence, dont je n'ai jamais abusé, je vous le jure. J'aime à le croire, et je suis même convaincu que pour réparer une injustice, vous n'hésiteriez point à tenter un rapprochement entre monsieur Devigne et sa famille. Et sais-je seulement ce que cette famille est devenue ? Je puis vous donner des renseignements. La nièce de monsieur Devigne est mariée. Oh ! Elle demeure presque dans votre voisinage. En vérité ? Voulez-vous que je la fasse venir ? Monsieur, dit la gouvernante en élevant la voix, mon maître lui interdit sa porte, à elle aussi bien qu'à son père. La volonté de mon maître doit être respectée. Vous avez raison. Et le notaire éleva la voix à son tour. Mademoiselle Dorothée, vous avez, vous et votre neveu, 2 heures pour faire votre préparatif de départ. Qu'entends-je ? Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, ma chère demoiselle, que je suis le mari de Rosine, qu'un hasard providentiel m'a fait venir ici à temps pour éclairer la conscience de notre oncle, que M. Devigne renonce à faire aucun testament, sans mettant à la loi du soin de disposer de sa succession quand le moment sera venu. Et Dieu veuille qu'il vienne le plus tard possible, et qu'enfin, si je vous congédie, c'est en vertu d'un ordre de votre maître, dont vous l'avez dit vous-même, la volonté doit être respectée. Il n'y a point d'expression qui puisse donner une idée de la physionomie de Dorothée. Furieuse, elle s'élança dans la chambre de Devigne. Le pauvre malade, heureux de l'explication qu'il venait d'avoir avec le mari de Rosine, s'était paisiblement endormi pour la première fois depuis longtemps. Ce repos pouvait lui être salutaire. Dorothée, consommant son œuvre de mégère, le réveilla en sursaut en se précipitant vers son lit, criant, hurlant, l'injure à la bouche et le poing menaçant. Devigne, qui peut-être allait guérir, eut une crise nerveuse, à la suite de laquelle il rendit l'âme, sans même avoir eu la consolation d'embrasser son frère et sa nièce. Dorothée vit encore, gémissant, on le pense bien, sur l'ingratitude des maîtres, et, juste retour des choses d'ici-bas, elle subit à son tour la tyrannie de son neveu Sigismond.